Les grandes espérances, de Charles Dickens. Traduction et adaptation, Sylvie Granotier. Neuvième épisode. Pip a fait un aller-retour entre Londres et son village. L'occasion de revoir Mademoiselle Havisham et surtout Estella, rentrée de son séjour à l'étranger. Mais la jeune fille joue avec ses sentiments et se déclare incapable d'aimer quiconque. Il se refuse à la croire. C'était après dîner. Herbert et moi étions confortablement installés, les pieds sur le garde-feu. Mon cher Herbert, j'ai une confidence à te faire. Mon cher Handel, je te remercie de ta confiance. Herbert, j'aime. J'adore Estella. Eh bien, tu as une sacrée chance qu'on t'ait choisi pour elle. Mais elle, que pense-t-elle, question adoration ? Elle est à des kilomètres de moi. Patience, mon cher Handel. Tu as le temps. Tu as le temps. Mais tu as autre chose sur le cœur, non ? Oui. Et le dire ne sera pas pire que le penser. J'étais un apprenti forgeron il y a peu, mais... aujourd'hui, qu'est-ce que je suis ? Si c'est le vocabulaire qui te fait défaut, un bon garçon, impétueux et hésitant, audacieux et incertain, actif et rêveur, un curieux mélange de tout ça. J'ai une sacrée chance, tu l'as dit. Je dois tout à ma bonne fortune. Pourtant, quand je pense à Estella... Il y a des moments où tu ne penses pas à elle ? Alors, je me sens assujetti aux incertitudes du hasard. Toutes mes espérances dépendent de la constance d'une seule et unique personne, et je ne sais que très vaguement ce qu'elle recouvre. Dans un rien de temps, tu auras 21 ans, et peut-être qu'alors tu en sauras plus long. Quoi qu'il en soit, tu auras moins longtemps à attendre, car cela finira bien par arriver. Quel heureux caractère tu as. J'ai intérêt, parce que je n'ai pas grand-chose d'autre. Maintenant, avant de te rendre confidence pour confidence, je compte me montrer brièvement fort désagréable, positivement répugnant. Tu n'y arriveras pas. 1, 2, 3, les pieds dans le plat. Handel, mon ami, Estella ne saurait être une condition de ton héritage puisque ton tuteur ne l'a jamais mentionné. A-t-il jamais fait allusion à un mariage éventuel ? Jamais. Puisque rien ne te lie à elle... Ne pourrais-tu pas t'en détacher ? Je t'avais prévenu que je serais désagréable. Mon cher Handel, pense à l'éducation qu'elle a reçue. Pense à Mademoiselle Havisham. Pense à ce qu'elle est. Oui, je suis répugnant et tu me détestes, mais tout cela peut mener au plus grand des malheurs. Je sais, Herbert, mais je n'y peux rien. Tu ne peux pas t'en détacher ? Non. Tu ne peux même pas essayer, Handel ? Non. Impossible. Eh bien, maintenant, je vais essayer de redevenir agréable. Puis-je te demander si tu as jamais eu l'occasion d'observer que les enfants issus d'un mariage médiocrement assorti sont les plus pressés de se marier ? Ah bon ? C'est décidément le cas chez nous. De fait, je crois qu'en dehors du bébé, nous sommes tous fiancés. Toi aussi ? Oui. Mais c'est un secret. Je suis tout à fait capable de garder un secret. Elle s'appelle Clara. Elle vit à Londres ? Oui. Peut-être devrais-je mentionner qu'elle est un peu en dessous des absurdes prétentions familiales de ma mère. Son père s'occupait de l'approvisionnement de paquebots. Qu'est-ce qu'il fait maintenant ? C'est un invalide. Et sa situation ? Au premier étage. Je ne l'ai jamais vu, mais je l'ai souvent entendu. Il pique des colères terribles, se met à rugir, donne des coups dans la porte avec je ne sais quel instrument redoutable. Tu vas finir par le voir un de ces jours ? Oui, parce qu'il va finir par traverser le plafond. Dès que j'aurai commencé à réaliser mon capital, j'ai bien l'intention d'épouser Clara. Je t'aiderai tant que je pourrai arriver à tes fins. Je m'y engage. Merci, mon vieux. C'est quoi ce papier ? Je le mets au feu ? Fais voir. Ça alors ? Et c'est ce soir en plus. Quoi ? La représentation du shakespearien Wopsle en Hamlet du pauvre. Pas question de rater ce spectacle. On y va ? On y va. À notre arrivée au Danemark, nous trouvâmes le roi et la reine en hauteur, sur leurs deux fauteuils, juchés sur une table de cuisine. Toute la noblesse danoise était présente. Ils étaient deux en plus de mon talentueux compatriote qui se tenait à l'écart, la mine sombre et les bras croisés. Chaque fois que le prince indécis s'interrogeait, le public lui venait en aide. Y a-t-il plus de noblesse d'âme à subir la fronde et les flèches de la fortune outrageante, ou bien à s'armer contre une mer de douleur et à l'arrêter par une révolte? Oui, mourir. Dormir. Wopsle finit par faire tomber le roi de la table de cuisine avant de mourir par étapes, des chevilles jusqu'à la tête. Partons avant les saluts pour éviter de tomber sur lui. Monsieur Pip et son ami? Oui. Monsieur Waldengarver serait heureux que vous lui fassiez l'honneur. Waldengarver? Probablement Wopsle. Ah oui. Devons-nous vous suivre? Quelques pas seulement. Mais... voilà, il est là, derrière la malle, en train de se changer. Bonsoir, monsieur Wopsle. J'espère, monsieur Pip, que vous ne m'en voudrez pas de vous avoir envoyé chercher. Pas du tout. Qu'avez-vous pensé de l'ensemble, vu de la salle? Prodigieux. Prodigieux. Qu'avez-vous pensé de ma version du personnage? Massive et concrète. Massive et concrète. Je suis heureux qu'elle rencontre votre approbation. Mon point de vue est un peu trop profond pour les gens d'ici. Bah, ils apprendront. Oh, ils apprendront. Sans l'ombre d'un doute. Malgré cette joyeuse récréation, j'allais misérablement me coucher, misérablement obsédé d'Estella. Le lendemain matin, je reçus un courrier qui me mit dans tous mes états. Je reconnus l'écriture sans l'avoir jamais vue. Aucune formule de politesse en ouverture. Le billet était ainsi rédigé. Je dois me rendre à Londres après-demain par la diligence de midi. Selon Mademoiselle Havisham, il était convenu que vous viendriez me chercher. Elle vous envoie son meilleur souvenir. Bien à vous, Estella. Je me trouvais au bureau des diligences bien avant l'heure et tombais sur Monsieur Wemmick. Monsieur Pip, comment allez-vous? Je ne vous imaginais pas fréquenter ce quartier. J'attends quelqu'un qui arrive par la diligence de midi. Et moi, je me rends à la prison de Newgate. On est sur une affaire de fonds volés et je viens d'aller jeter un œil sur le lieu du forfait avant d'en discuter avec mon client. Il est coupable? Le ciel nous en préserve, non? Seulement accusé. Comme nous pourrions l'être, vous ou moi, vous savez. Sauf que nous ne le sommes ni vous ni moi. Vous êtes un malin, vous. Ça vous dit d'aller voir à quoi ressemble Newgate? Pourquoi pas? Eh bien, allons-y. Ah, c'est l'heure de la tournée. Vous voyez le garçon qui fournit les prisonniers en bière? Ah oui, à travers les barreaux. Quelle cacophonie, dites-moi. Je ne m'attendais pas à un tel chahut ni à un tel désordre. La première fois, on trouve tout ça et triste, après, on s'habitue. Oui, j'arrive, le bec. Non, ne me touchez pas, le phoque. Il n'y a pas un peu de tabac aujourd'hui? Alors, donne-moi donc ça. Ah, mais il n'y a pas le compte, dis-moi. Oui, je sais, mais... Non, inutile d'insister, mon garçon. Je ne suis qu'un sous-fifre. S'il n'arrive pas... à réunir les fonds pour que c'est aux instances sujets ailleurs qu'il faut s'adresser. Alors, à qui le tour? Capitaine Tom, vous êtes arrivé quand? Ça fait 3 jours. Eh bien, bienvenue. Et mon affaire? On verra ça plus tard. Ah, monsieur Pipe, examinez bien l'homme à qui je vais serrer la main. Vous n'avez serré à personne jusqu'à maintenant. Vous faites un bon observateur, monsieur Pipe. Colonel, à vous. Comment allez-vous, colonel? Aussi bien que possible. On a fait tout ce qui était en notre pouvoir, mais l'épreuve à charge était accablante. Bien content tout de même de vous saluer une dernière fois, monsieur Wemmick. Tenez, ma main. Je la serre avec plaisir. Adieu, colonel. Un faussaire de premier ordre. Il sera exécuté lundi. Je vois que vous consultez votre montre. Je vous libère. Il me restait encore 3 heures à attendre et je l'ai passé à m'interroger sur cet étrange phénomène qui baignait ma vie dans une atmosphère de crime et de prison. La réalité du terrain d'activité de M. Wemmick était encore trop présente en moi quand j'aperçus Estella à la portière me faisant signe de la main. Mais qu'était-ce donc que cette ombre qui venait encore de passer, fugitive et sans contour? Excusez-moi, s'il vous plaît. Voilà, il y a 7 malles encore. Et le grand sac en tapisserie. Très bien, madame. Ah, le carton à chapeau aussi est à moi. Ma pelisse, il faut la traiter avec ménagement. Je crois que c'est tout. Mon petit sac marron. Je me rends compte tout à coup que je ne connais même pas votre prochaine destination. Je vais à Richmond. C'est à 15 kilomètres. Je dois prendre une voiture et vous devez m'accompagner et vous devez tout régler avec ma bourse. Voyez-vous, ni vous ni moi n'avons d'autre choix que d'obéir aux instructions. Nous n'avons pas la liberté de suivre nos impulsions, ni vous ni moi. Où allez-vous à Richmond? Je vais vivre pour une petite fortune chez une dame qui a les moyens, elle le prétend en tout cas, de m'emmener partout, de me présenter, de me faire voir à des gens et de m'en faire voir. Vous serez heureuse de faire l'admiration de tous, j'imagine. Sans doute. Vous parlez de vous-même comme d'une personne étrangère. Et où auriez-vous appris comment je parle des autres? Allons, allons, je dois parler à ma façon. Comment cela se passe-t-il chez Monsieur Pocket? J'y suis très heureux. Du moins... Du moins? Autant qu'il m'est possible de l'être là où vous n'êtes pas. Petit bêta, comment pouvez-vous dire de telles sottises? Votre précepteur, Monsieur Mathieu, est supérieur au reste de la famille, je crois. Très supérieur, en vérité. Il n'a pas d'ennemis autres... N'ajoutez pas que lui-même, s'il vous plaît, car je déteste ce genre d'homme. Sachez que les autres membres de sa famille assiègent Mademoiselle Havisham de rapports malveillants sur vous. Ils vous consacrent des lettres entières, anonymes parfois. Vous auriez du mal à vous représenter la haine que ces gens vous portent. Sans réussir à me nuire, j'espère. Si c'était le cas, j'aspire à croire que cela ne vous amuserait pas autant. Oh non, soyez rassurés. Je ris parce qu'ils échouent lamentablement. Oh, les tortures qu'ils subissent. Vous auriez du mal à mesurer la satisfaction que j'éprouve à les voir se ridiculiser. Mais vous n'avez pas été élevé dans cette étrange maison depuis votre plus tendre enfance. Moi, si. Votre jeune intelligence n'a pas été affûtée par leurs intrigues qui prenaient tous les masques possibles de sympathie, de pitié, pour mieux attaquer un petit enfant sans défense. Moi, si. Ne vous inquiétez pas. Ces gens n'arriveront jamais, même en 100 ans, à entamer votre relation avec Mademoiselle Havisham. En gros, comme en détail. Et comme c'est à vous que je dois ce spectacle de leur vaine et méchante agitation, je vous donne la main. Mais enfin, ridicule garçon, êtes-vous incapable d'entendre les mises en garde? À moins que vous n'ayez embrassé ma main dans le même esprit que je vous ai laissé m'embrasser la joue autrefois. C'est-à-dire? Laissez-moi réfléchir. Par mépris pour les flagorneurs et les comploteurs. Et si je réponds oui, pourrais-je vous embrasser à nouveau la joue? Vous auriez dû me poser la question avant de me prendre la main. Eh bien oui, si vous y tenez. Bien. Maintenant, allez nous chercher une voiture. On est à côté du tribunal. C'est pour cela que la rue est jonchée de paille. Sans cela, le bruit empêcherait les débats. C'est quoi ce bâtiment sinistre? Vous le connaissez? De nom seulement. C'est Newgate, la prison de Londres. Les malheureux. Savez-vous que Monsieur Pocket habite à Hammersmith, qui n'est pas loin de Richmond? J'espère avoir l'occasion de vous voir parfois. Oh oui, c'est prévu. Vous devez me rendre visite à intervalles convenables. Nous entrions dans Richmond quand un bec de gaz éclaira soudain violemment le visage d'Estella. Ce fut comme une illumination vive qui me remplit à nouveau de cette sensation inexplicable de déjà-vu. Je restais un moment aveugle, comme si la foudre était tombée. À notre arrivée, deux bonnes aux joues cerises se précipitèrent pour accueillir Estella. La porte d'entrée engloutit les mâles. Estella disparut à son tour. Je restais un moment à regarder la maison, songeant comme je serais heureux d'y vivre avec elle, sachant pourtant qu'avec elle, je n'étais jamais heureux, mais toujours misérable. Mes grandes espérances m'avaient conduit à un train de vie dont les conséquences pesaient lourd. Je contractais une foule de dettes, suivie par Herbert, qui était trop fier pour ne pas vouloir partager équitablement nos dépenses. Régulièrement, nous décidions de faire le point sur la situation, persuadés que c'était la bonne façon de gérer nos affaires. Mon cher Herbert, on ne s'en sort pas. Mon cher Handel, crois-moi si tu veux, j'avais les mêmes mots sur le bout de la langue. Alors, je te propose d'examiner l'état de nos affaires. La méthode consiste à regarder nos factures bien en face et à les dévisager jusqu'à leur faire perdre contenance. Ce sera avec plaisir, Handel, mais c'est plutôt moi qui perds contenance à force de les regarder. Tu en es à combien de ton côté? 164 livres, 4 shillings et 2 pence. Eh bien, laisse-toi une marge et arrondis à 200 livres. De mon côté, j'arrondis à 700 livres, ce qui me laisse une marge confortable. Tiens, il y a une lettre sous la porte. J'y vais. C'est pour toi, Pip. Et l'enveloppe est cerclée de noir. Cher honoré monsieur, je prends la liberté de vous informer que Madame Jo Gargery, ayant quitté ce monde lundi à 6h20 du soir, votre présence à son enterrement est sollicitée pour le lundi suivant à 3h de l'après-midi. Signé Trab & Co. Ça alors? Je suis désolé, mon vieux. Ma sœur, accompagnée par le chant des alouettes, fut doucement déposée en terre, la brise dessinant sur son cercueil les lignes gracieuses des arbres et des nuages. Elle reposait désormais à côté de mes parents et de mes petits frères. Joe fut heureux d'apprendre que je passerais la nuit dans ma chambre d'enfance. Mais avant de monter, j'emmenais Biddy faire un tour dans le jardin. Biddy, tu aurais pu m'écrire pour m'informer de ces tristes événements. Je l'aurais fait si j'avais pensé que c'était la chose à faire. Ma chère Biddy, J'imagine qu'il te sera difficile de rester ici désormais. De quoi vas-tu vivre? Si tu as besoin d'argent... De quoi je vais vivre? Eh bien, je m'en vais vous le dire, monsieur Pip. Je vais essayer d'avoir la place de maîtresse dans la nouvelle école qu'on vient de terminer au village. Personne ne m'a raconté comment ma sœur était morte. Il n'y a pas grand-chose à raconter. La pauvre. Un soir, à l'heure du thé, elle a dit très distinctement « Joe ». Il y avait longtemps qu'elle n'avait pas prononcé le moindre mot, alors j'ai couru chercher Monsieur Gargery à la forge. Il s'est assis auprès d'elle. Elle a posé sa tête sur son épaule, bien tranquille, bien contente. Et puis elle a dit « Joe ». Puis elle a dit une fois « Pardon ». Puis une fois « Pip ». Et elle n'a plus relevé la tête jusqu'à ce qu'on l'étende à nouveau sur son lit parce qu'elle nous avait quittés. On n'a jamais rien découvert, Biddy ? Rien. Dites-moi plutôt comment vous avez trouvé Joe. Inchangé, Dieu merci. Il vous aime beaucoup. Et je ne l'ai jamais entendu se plaindre. Il fait son devoir, droit comme un i, le bras vigoureux. La parole discrète et le cœur tendre. On ne saurait en dire trop de bien. Il faudra que nous en reparlions car bien sûr, je vais revenir souvent maintenant. Tu ne m'as pas entendu, Biddy ? Si, monsieur Pip. Sans parler de cette façon de me dire vous par-ci et monsieur Pip par-là, ce que je trouve de très mauvais goût. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Biddy, quand j'ai annoncé tout à l'heure que je viendrais souvent voir Joe, tu m'as répondu par un silence ostensible. Sois gentil de me dire pourquoi. Êtes-vous absolument certain de venir souvent? Voilà vraiment ce qu'on appelle un triste penchant. Je préfère que tu n'en dises pas davantage. Tu me fais beaucoup de peine. À la suite de quoi, je tins Biddy à distance jusqu'à l'heure de mon départ. Une fois encore, le brouillard se levait tandis que je m'éloignais de la maison. Si c'était sa façon de me prévenir que je ne reviendrais pas et que Biddy avait raison, il avait raison comme elle. C'est tout ce que je peux dire. C'était « Les grandes espérances » de Charles Dickens. Traduction et adaptation, Sylvie Granotier. 9e épisode. Avec Jacques Gamblin, Samuel Charles, Brice Hilléré, Aurélie Nusillard, Mélissa Barbeau, Philippe Bautier, Jean-Gabriel Norman, Renaud Bertin, Pierre Rimond. Et les voix de Philippe Arrault, James Borniche, Charlie Fournier, Frédéric Rose, Théo Chédeville, Adrien Serre, Malek Lamraoui. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Création sonore, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Claude Niort, Manon Houssin. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Juliette Eman. Vous retrouverez le générique complet sur le site franceculture.fr.